franceinter.com. Qu'on ait faim de ne pas le savoir. Mais Einstein, le savant le plus célèbre au monde, la personnalité du siècle passé selon le magazine américain Time, était aussi à sa façon un homme politique, ou plutôt un homme engagé. Un homme qui a été de tous les combats contre l'intolérance et pour la justice, de la lutte contre le nazisme à la dénonciation de la ségrégation raciale aux États-Unis. Einstein, l'humaniste, qui prônait l'institution d'un gouvernement mondial pour en finir avec la guerre, jugeait que le seul moyen de supprimer l'oppression était d'établir une société socialiste où, disait-il, le système d'éducation serait guidé par les lois de l'intelligence. Einstein, le pacifiste, qui écrivait en 1930 « Si quelqu'un peut prendre plaisir à marcher en rang et au son d'une musique, cela suffit pour que je le méprise. C'est par erreur qu'il a reçu un cerveau puisque sa moelle épinière lui suffirait amplement. » C'est pourtant ce même homme, naturalisé américain, qui, averti de l'avancement des travaux des savants d'Hitler en matière nucléaire, alertera le président Roosevelt et sera donc, indirectement, à l'origine de la création de la bombe atomique. Autant d'engagement, en tout cas, qui lui a attiré beaucoup d'inimitié. Et on le sait aujourd'hui, grâce à des documents récemment déclassifiés, cela lui a valu d'être étroitement surveillé par le FBI, dont l'inamovible patron Edgar Hoover a sans cesse agi en secret pour obtenir l'expulsion du savant. Juif, étranger, gauchiste, Einstein était devenu presque naturellement sa bête noire et tous les moyens ont été utilisés pour le perdre. C'est ce dossier qu'ouvre aujourd'hui Monsieur X. Pas le docteur Jacob. Hello, Dr. Jacob. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Hello, Dr. Jacob. Vous dites que je ne suis pas le docteur Jacob. Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Docteur Jacob. Hello, Dr. Jacob. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du docteur Jacob. France Inter, rendez-vous avec X. Il faut d'abord dire qu'Albert Einstein n'a jamais mis ses idées sous son mouchoir. Loin d'être ce savant original et un peu fantasque, détaché des affaires du monde, il est au contraire sorti de sa tour d'ivoire à chaque fois qu'une grande cause le réclamait. Et ça a commencé très tôt, il a seulement 18 ans, lorsqu'il fuit le gymnasium où il poursuit ses études. Le gymnasium, c'est l'équivalent allemand de nos lycées. Hein. Des établissements qui forment l'élite du pays, mais où régnait alors autoritarisme et discipline quasi-militaire. Ouais, et c'est ça que le jeune Einstein ne supporte pas. Non, et puis il y a aussi la perspective du service militaire dans cette Allemagne forgée par Bismarck. Ouais, nouvelle raison de fuir, alors. Exactement. Einstein est déjà antimilitariste et s'installe donc en Suisse. Inscrit à l'école polytechnique de Zurich, puis employé au bureau des brevets de Berne, il obtient la nationalité suisse. Oui, c'est étonnant, c'est un emploi très modeste. Mais qui lui laisse du temps pour penser et travailler. C'est d'ailleurs là qu'il rédige les 5 mémoires qui vont révolutionner la physique. Oui, le principe de la relativité. La relativité restreinte en 1905 et une nouvelle définition de la nature de la lumière. Et 10 ans plus tard, vous le savez, ce sera la théorie de la relativité générale. En tout cas, très vite, cet inconnu acquiert une grande renommée et est appelé à occuper de prestigieux postes universitaires. Et juste avant la Grande Guerre, Max Planck, qui est alors l'un des plus grands savants allemands, lui propose une chaire importante à Berlin. Donc retour en Allemagne, et il accepte ? Oui, mais il va rapidement se démarquer de ses collègues allemands qui, pour la plupart, adhèrent à la politique guerrière et expansionniste de l'empereur. Ouais. Mais pratiquement, ça se traduit comment, ça ? En pleine guerre, il en appelle publiquement à la paix, rédige même un manifeste aux Européens, ce qui lui vaut d'être mis sur la touche par la communauté scientifique allemande. Ce qui ne l'empêche nullement, d'ailleurs, de poursuivre ses travaux. Après la guerre, sa théorie de la relativité générale est expérimentalement confirmée par des savants britanniques. Et bientôt, Einstein obtiendra le prix Nobel de physique. Malgré l'hostilité, il faut le souligner, d'un certain nombre de savants allemands. En tout cas, c'est la gloire. Hein. Oui, une célébrité internationale instantanée. D'un jour à l'autre, Albert Einstein devient une véritable vedette de la science, du jamais vu. Il fait la une des plus grands journaux du monde entier. Et ce qui est amusant, c'est que la plupart des gens qui le célèbrent sont à peu près incapables de comprendre ses théories. Ouais. Alors il est devenu un people, comme on dirait aujourd'hui. Absolument. Ouais. Tout le monde veut le voir. Et partout où il va, il est fêté comme un héros. Puis il y a son image aussi. Hein. Oui, ce savant ébouriffé, bouffard d'embouche et qui, au fil des années, accordera de moins en moins d'importance à son aspect extérieur. Pull informe, chapeau improbable, absence de chaussettes, enfin bref, un excentrique. Une sorte de professeur tournesol. Oui, mais enfin, ça colle dur. Toutefois, ce savant idolâtré, malgré lui, entend se servir de sa nouvelle célébrité pour propager ses idées. Ses idées politiques et humanistes. Non seulement il continue inlassablement à prêcher pour la paix à chacune de ses apparitions publiques, mais il dénonce les régimes autoritaires qui ne cessent de progresser dans le monde. Ainsi, il condamne l'invasion nippone en Mandchourie et il applaudit vigoureusement l'élection à la présidence des États-Unis de Franklin Roosevelt à cause de son programme de réforme sociale. Et il le dit aux États-Unis même où il est accueilli triomphalement en 1932. Pourtant, c'est là qu'il subit une première et violente attaque. De la part de qui ? Une association de virago américaine, le Mouvement des Femmes Patriotes. Une organisation antiféministe et antisocialiste. Et antiféministe. Et qu'est-ce que ces femmes lui reprochent ? Bah d'abord d'être un étranger. Ah oui. Un étranger donneur de leçons, qui est pacifiste et donc contre l'armée et l'autorité, puisqu'il a même encouragé des objecteurs de conscience. Enfin bref, c'est un mécréant, un partisan de la subversion et un anarcho-communiste. Rien que ça. Oui, ces accusations sont relayées aux États-Unis par les mouvements d'extrême droite, très actifs dans le Sud. Et puis, il y a là-dessous, il ne faut pas se le dissimuler, l'expression d'un antisémitisme virulent. Et pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. En France, par exemple, Einstein est devenu une tête de turc de l'extrême droite antisémite, qui ironise sur la relativité. Oui, parce que ces gens n'y comprennent rien. Évidemment. J'interromps un instant, monsieur. J'ai trouvé dans un livre de Ralph Shore sur l'antisémitisme en France dans l'entre-deux-guerres cette ahurissante citation de Céline. Un seul ongle de pied pourri de n'importe quel vinasseux ahuri truand d'Arien, vautré dans son dégueulage, vaut encore 100 000 fois plus et 100 000 fois davantage et de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment que 125 000 Einstein debout, tout dérétinisant d'effarante gloire rayonnante. Le livre, très documenté de Shore, est paru aux éditions Complexes. Il faut souligner que l'essentiel des accusations portées contre Einstein par ses anti-suffragettes se retrouvera plus tard dans le dossier que constituera le FBI contre le savant. Et Einstein lui-même, alors, comment réagit-il ? Oh ben, il prend le parti d'en rire. Ah oui ? Et il ironise en première page du New York Times sur ses citoyennes vigilantes, non sans rappeler que Rome a été autrefois sauvée par le caquetage de ses fidèles oies. Elles ont dû être ravies, ces patriotes-là, d'être comparées à des oies. Ah, certainement. Quoi qu'il en soit, cette affaire n'altère en rien la volonté du savant de lutter pour les causes qu'il trouve justes. Cependant, quand il est à nouveau invité aux États-Unis, il doit subir un véritable interrogatoire en règle au consulat de Berlin. Un interrogatoire politique. Oui, ça signifie que cette histoire des femmes patriotes a laissé des traces. Mais Einstein s'en tirera par une pirouette, en refusant de répondre à la plupart des questions, et il obtiendra son visa. Difficile quand même de refuser l'entrée aux États-Unis du savant le plus célèbre du monde. Einstein quitte donc l'Allemagne au début de l'année 1933. Il n'y reviendra plus. À cause de Hitler. Naturellement. À peine un mois après son arrivée en Californie, Einstein apprend la prise du pouvoir par les nazis. Juif et militant pacifiste, le savant est tout naturellement désigné à leur vindicte. Et d'ailleurs, la presse aux ordres se déchaîne contre lui et ses biens sont confisqués. Donc, plus question pour lui de retourner à Berlin. Oui, il va désormais vivre aux États-Unis. Hein, pas tout de suite. Hein. Il repart en Europe, en Belgique, je crois, pour voir comment la situation évolue en Allemagne. Et quand il comprend qu'Hitler est solidement installé au pouvoir, il regagne l'Amérique et en 1940, il deviendra citoyen états-unien, sans pour autant renoncer à sa nationalité suisse. Mmh. Sur le plan politique, alors ? Immigré, Einstein n'entend pas renoncer à sa liberté de parole. Et bien qu'ayant soutenu la candidature de Roosevelt à la présidence, il n'hésite pas à le critiquer lorsqu'il l'estime nécessaire. À propos de quoi, par exemple ? En ces années 30, deux questions lui tiennent à cœur et provoquent son indignation. Il y a d'abord le fait que les États-Unis répugnent à accueillir chez eux les juifs allemands fichés par la Gestapo. Pourquoi ? Quelle raison ? Il pourrait y avoir parmi eux des communistes. Et d'une façon générale, Einstein reproche au gouvernement américain de condamner trop mollement l'antisémitisme des autorités nazies. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, des hommes d'affaires comme Joe Kennedy, le père de JFK, ou des industriels comme Henry Ford, observent favorablement la politique hitlérienne. Et puis il y a aussi l'Espagne. Oui, la guerre civile. Oui. Einstein considère que Washington devrait venir en aide au gouvernement légal. C'est-à-dire les républicains. Oui. Ouais. Or, Roosevelt a décidé un embargo sur les livraisons d'armes et décide de rester neutre. Einstein proteste avec énergie. Washington devrait soutenir la démocratie espagnole aux prises avec des putschistes. Et il apporte personnellement toute son aide à l'initiative des quelques 2800 Américains qui créent la brigade Abraham Lincoln et vont se battre aux côtés des républicains. Au sein des brigades internationales. En effet, oui. Ouais. Ça aussi, ça alimentera le dossier du FBI. Car pour un nouvel organisme créé en 1938, le Comité des activités anti-américaines, tous ces gens qui soutiennent les républicains espagnols ne peuvent être que des communistes. Donc, à commencer par Einstein. Bien sûr. Ouais. Et de cette époque, le savant est dans la ligne de mire d'Edgar Hoover, le puissant patron du FBI. I sit in my 'cause no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude, I'm praying, dear Lord above, send back. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'historien américain Fred Jerome a eu accès en l'an 2000 au dossier constitué par le FBI sur Albert Einstein. Il en a tiré un livre qui est aussi une biographie très détaillée du savant. J'en extrais ce passage sur l'action d'Einstein en faveur des Juifs allemands et l'attitude des autorités américaines de l'époque. Au cours des premières années passées aux États-Unis, Einstein sera plusieurs fois en désaccord avec la politique de Roosevelt à l'égard de ce qui se passe en Europe. Si les sujets varient, le problème fondamental reste le même. Jusqu'où Franklin Delano Roosevelt s'opposera-t-il au nazisme? Son activité en faveur des réfugiés juifs le met souvent en porte-à-faux avec les autorités. La politique d'immigration du département d'État de Roosevelt semble déterminée, au moins partiellement, à maintenir les Juifs en dehors du pays. Le secrétaire d'État, Cordell Hull, qui considère Berlin comme un rempart contre Moscou, refuse d'accéder aux demandes pressantes qui lui sont adressées de dénoncer l'antisémitisme nazi. En 1933, lorsqu'une délégation du Congrès juif américain le prie de faire une déclaration publique, il dit que les télégrammes reçus de l'ambassade américaine à Berlin ne semblent pas refléter une situation grave. Toutefois, il ne reste pas totalement muet. Il émet des critiques sur ce qu'il appelle des récits exagérés de terreur et d'atrocité que contiennent des rapports à propos de soi-disant mauvais traitements infligés aux Juifs en Allemagne. Le livre de Jérôme est paru aux éditions Frison Roche. Cette hostilité du FBI envers Einstein, toujours latente mais jamais exprimée ouvertement, va avoir une conséquence considérable. Je vous explique. Au cours de l'été 1939, Einstein, installé à Princeton, où il a été accueilli par un prestigieux institut scientifique, reçoit une visite qui va bouleverser sa vie, mais aussi l'histoire de l'humanité. Qui ? L'homme s'appelle Leo Szilard. C'est un brillant physicien hongrois. Il connaît Einstein ? Oui, oui, les deux savants se sont déjà rencontrés et s'estiment. Le Hongrois, qui a fait ses études à Berlin et a donc gardé des liens avec la communauté scientifique allemande, vient d'obtenir des informations très inquiétantes. Et il entend les communiquer de toute urgence à Einstein. De quoi s'agit-il alors ? Szilard a appris que les Allemands qui viennent d'envahir la Tchécoslovaquie ont décidé de rafler l'uranium extrait des mines tchèques. Et pour lui, ça signifie sans aucun doute que Hitler a lancé un programme visant à mettre au point une bombe atomique. Est-ce qu'en 1939, est-ce qu'on sait que ce projet est réaliste ? Bien sûr. Einstein est bien placé pour le savoir, puisque ses travaux théoriques et sa fameuse équation E égale MC2 ont démontré que la matière est un formidable réservoir d'énergie. Et même s'il suit de loin les recherches dans ce domaine, il n'ignore pas que des savants européens tels Enrico Fermi ou Frédéric Joliot viennent de montrer expérimentalement que la fission de l'uranium libère des neutrons et donc peut générer de l'énergie. La réaction en chaîne. Oui, oui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est désormais un objectif qui est à portée de main. Et Szilard vient dire à son ami Einstein que le camp antifasciste doit au plus vite se mobiliser. Quoi, pour faire pièce aux recherches allemandes ? Bien entendu, parce que si Hitler est le premier à être doté de cette arme fantastique, il deviendra le maître du monde. D'accord, mais que peut faire Einstein ? User de son énorme notoriété pour convaincre le président Roosevelt de lancer au plus vite un programme de recherche nucléaire. Alors que les États-Unis ne sont pas encore en guerre, il faut le rappeler. Oui, très longtemps, trop longtemps, au grand dam d'Einstein d'ailleurs, qui aurait voulu que Roosevelt s'engage beaucoup plus tôt aux côtés de la Grande-Bretagne. Enfin, passons. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ce pacifiste convaincu va prôner la construction de l'engin militaire le plus dévastateur qui soit. Et beaucoup de pacifistes le lui reprochant. Mais pour lui, le nouveau danger, c'était le nazisme qu'il fallait à tout prix abattre. Et pour réaliser cet objectif, il a abdiqué, c'est vrai. Il participera même plus tard à des travaux sur les explosifs. Travaux commandés par la marine états-unienne. Enfin, revenons à ce que je disais. Einstein écrit à Roosevelt une longue lettre dans laquelle il exprime ses inquiétudes et incite le président à lancer un programme d'expérimentation nucléaire. Et il est écouté ? Pas tout de suite, d'autant que les physiciens américains n'envisagent nullement la possibilité de la construction d'une bombe. Non, non, ce qui va convaincre Roosevelt, ce sont les opérations militaires des nazis en Europe. L'invasion de la Belgique, puis celle de la France. Roosevelt commence à réaliser le danger. Effectivement. Et il prend l'initiative de lancer le projet Uranium. Mais sa dotation est très faible, quelques milliers de dollars seulement. Einstein et son ami Szilard reprennent donc la plume. Et Roosevelt va finir par créer, en 1941, un conseil de recherche de défense nationale. Et c'est cet organisme qui va planifier le projet Manhattan. Oui, c'est-à-dire la conception et la fabrication de la bombe dans le désert de Los Alamos. C'est ça. Et la réunion d'un impressionnant cercle de savants européens et états-uniens. Seulement, ces scientifiques qui vont travailler pour l'armée dans le plus grand secret doivent être triés sur le volet. Les services de renseignement de l'armée vont donc procéder à des enquêtes préalables et demander la collaboration du FBI. Ça me semble assez normal. Hein. Bon, je suis d'accord avec vous, car ce projet devait être entouré des plus grandes garanties de sécurité. Mais c'est la suite qui est plus problématique. Quand le cas de Einstein vient sur la table, le FBI sort son dossier. Les élucubrations des femmes patriotes, son engagement pour les républicains espagnols, pour les juifs, enfin bref, le savant est un homme dangereux, un crypto-communiste. Ouais, alors il serait susceptible, par conviction, de communiquer des informations secrètes à l'URSS, par exemple ? Exactement. Ouais. Et malgré le manque de preuves, Einstein est écarté du projet Manhattan. Alors qu'il en est le véritable initiateur. Et c'est pour ça qu'on prétendra longtemps qu'Albert Einstein a une responsabilité dans la conception de la bombe atomique, alors qu'il n'a pas du tout participer aux travaux qui ont permis de la mettre au point. Autre chose, je pense que ni Einstein, ni tous ces éminents cerveaux qui ont travaillé au projet Manhattan n'imaginaient l'usage qui allait en être fait. Ouais, mais enfin, quand on construit une bombe, c'est pour l'utiliser, non ? Ou pour faire peur. La dissuasion. Oui, oui. Beaucoup de ces savants, horrifiés par les terribles effets de leurs deux bombes, rejoindront Einstein lorsque, tout de suite après la fin de la guerre, il prendra une nouvelle initiative. La création d'un comité d'urgence des savants atomistes. Pour la paix. Et ça, ça ne doit pas être apprécié par les militaires. Hein. Bien évidemment. D'autant que Einstein va demander que l'arme atomique soit contrôlée par une instance internationale réunissant les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi l'URSS. Ça, c'est un peu utopique, non ? Contestablement. Les militaires américains ont leur bombe et ils n'ont nullement l'intention de la partager. À noter d'ailleurs qu'en URSS même, l'initiative d'Einstein n'est pas accueillie très favorablement, car là-bas aussi, on compte bien se doter de la bombe atomique. Et ça sera fait dès 1949. Hein. Grâce en particulier à l'espionnage soviétique. Mais on en reparlera, parce que le FBI fera tout son possible pour impliquer Einstein dans cette affaire. Ça signifie donc que Einstein va rester une cible après la guerre. Oui, parce que non content de prêcher pour la paix alors que la guerre froide se profile, le savant va épouser une autre cause. La lutte contre le lynchage et d'une façon générale le racisme. Le racisme vis-à-vis des Noirs états-uniens. Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui les Afro-Américains. En 1946, dans les États du Sud, une cinquantaine de Noirs sont lynchés. Une vague de violence sans précédent. Et ça s'explique très bien. Les GIs, Noirs, qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont plus décidés à supporter la ségrégation et les humiliations raciales. Oui, donc ils se rebiffent, quoi. Et les assassins du Ku Klux Klan passent à l'action en bénéficiant de la passivité ou même de la connivence des autorités locales. Donc, Einstein s'engage dans ce nouveau combat. Et il rejoint la veuve du président Roosevelt, Eleanor, très impliquée dans ce combat contre le racisme. Eleanor Roosevelt, qui est aussi une des autres bêtes noires d'Edgar Hoover, qui ne parle d'elle qu'en l'appelant la vieille chouette ululante. Charmant. Mais Eleanor en a autant à son service. En pleine guerre, elle a protesté auprès de son époux en accusant le FBI de devenir une Gestapo. En tout cas, en militant pour cette nouvelle cause, Einstein aggrave son cas, si je puis dire. Hoover, qui ne s'est pas vraiment caché d'être raciste, on le verra plus tard, quand il combattra Martin Luther King, considère en effet que les Noirs sont manipulés par des agents communistes. Une agitation antiraciste qui représente un danger pour la sécurité intérieure des États-Unis. puis, il va y avoir la montée du maccartisme. Et une nouvelle occasion pour Einstein de protester contre cette chasse aux sorcières qui vise les communistes ou ceux qui sont seulement soupçonnés d'avoir des sympathies pour le communisme ou simplement le progressisme. Il faut peu de choses pour être soupçonné par le sénateur McCarthy et devoir comparaître devant la commission des activités anti-américaines. Et lorsque le savant conseille à un jeune professeur de refuser de répondre aux questions de la commission en invoquant le premier amendement, McCarthy explose et affirme publiquement que Einstein est un ennemi de l'Amérique. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Einstein a donc écrit au président Roosevelt pour le presser de lancer des études sur la bombe atomique. C'est dans cette seule mesure qu'il peut avoir une responsabilité dans la fabrication de l'arme atomique, puisqu'il n'a pas travaillé personnellement à ce programme. Voici un extrait de sa lettre datée du 2 août 1939. Monsieur, un travail récent d'Enrico Fermi et Léo Szilard, dont on m'a communiqué le manuscrit, me conduit à penser que l'uranium va pouvoir être converti en une nouvelle et importante source d'énergie dans un futur proche. Certains aspects de cette situation nouvelle demandent une grande vigilance et, si nécessaire, une action rapide du gouvernement. Je considère qu'il est donc de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et recommandations suivants. Au cours des 4 derniers mois, grâce aux travaux de Joliot en France et à ceux de Fermi et Szilard en Amérique, il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium, laquelle permettrait de générer beaucoup d'énergie et de très nombreux nouveaux éléments de type radium. Aujourd'hui, il est pratiquement certain que cela peut être obtenu dans un futur proche. Ce fait nouveau pourrait aussi conduire à la réalisation de bombes, et l'on peut concevoir, même si ici il y a moins de certitude, que des bombes d'un genre nouveau et d'une extrême puissance pourraient être construites. Une seule bombe de ce type, transportée par un navire et explosant dans un port, pourrait en détruire toutes les installations, ainsi qu'une partie du territoire environnant. Et Einstein de demander à Roosevelt la création d'un groupe de recherche coordonné par le gouvernement. Mais reprenons le récit de M. X. En dépit de ses prises de position contre la chasse aux sorcières menées par McCarthy, Einstein demeure malgré tout intouchable. On n'ose pas s'attaquer à lui directement. Mais dans l'ombre, Hoover continue à fourmiller ses armes. Mais que cherche-t-il réellement? À terme, il veut obtenir l'expulsion du savant. Malgré sa naturalisation américaine? Oui, pour le patron du FBI, Einstein reste un étranger indésirable. Et dans le plus grand secret, et en se gardant bien de demander l'autorisation de la justice, le FBI va mettre Einstein sous surveillance. Mais ça consiste en quoi, là? Écoute téléphonique, ouverture de son courrier. Ah, exactement comme si le savant était un dangereux délinquant. Hein. Tout à fait. Et pour Hoover, il l'est vraiment. À cause de ses opinions, donc. Pas seulement. Hoover s'est peu à peu persuadé qu'Albert Einstein est un espion communiste. Un espion de l'Est? Oui. Mais, attendez, il y croit vraiment ou va-t-il soutenir ce point de vue pour réussir à faire expulser le savant? Écoutez, je n'étais pas dans sa tête. Et Hoover était suffisamment retors pour faire semblant ou pour accumuler de fausses preuves afin d'accréditer ses soupçons. Et quand éclate l'affaire Klaus Fuchs, en 1950, c'est pain béni pour lui. Mais Fuchs, nous avons parler ici même avec vous, c'est ce savant britannique d'origine allemande qui a participé au projet Manhattan et a trahi au profit des soviétiques. C'est bien ça, oui. Fuchs, qui a sans doute permis à l'URSS d'économiser de précieuses années en matière de recherche nucléaire. La trahison de Fuchs, aussitôt reconnue, le FBI va se livrer à une véritable chasse aux espions parmi les scientifiques qui ont travaillé à Los Alamos. Oppenheimer surtout. Oppenheimer en particulier, oui. Le véritable maître d'œuvre de la fabrication de la bombe américaine sera longtemps soupçonné et il perdra même son habilitation au secret défense. Mais c'est sur Einstein que Hoover concentre ses tirs. Hoover qui va tenter de prouver contre vents et marées que le père de la relativité est à l'origine de la trahison de Fuchs. Et comment? Hoover est l'homme du FBI chargé de surveiller en permanence le savant, se persuade progressivement que Fuchs a été recruté à Los Alamos grâce à une recommandation d'Einstein. Ah oui, alors Einstein aurait donc envoyé là-bas un espion soviétique? En toute connaissance de cause. Le FBI doit donc établir qu'il existe un lien entre Fuchs et Einstein. Deux scientifiques d'origine allemande? Et pour Hoover, ce ne peut être un simple hasard. Cependant, la tâche n'est pas aisée, car cette enquête doit rester la plus discrète possible. Pas question, par exemple, d'aller interroger les amis d'Einstein. Pour ne pas l'alerter. Et surtout pour ne pas provoquer un scandale. Car le savant n'a rien perdu de sa popularité malgré ses prises de position politiques ou simplement humanistes qui prennent souvent l'opinion américaine à rebrousse-poil. Alors, pour mener son enquête, le FBI fait feu de tout bois. C'est-à-dire ? Hoover alerte les services secrets de l'armée et tous les bureaux du FBI à travers les États-Unis. Il utilise aussi des centaines de témoignages anonymes. Un véritable acharnement. Et il obtient un premier renseignement prometteur. L'un des fils d'Albert Einstein, Albert Junior, se trouverait en URSS. Le savant pourrait donc être victime d'une sorte de chantage ou au moins de pression de la part des soviétiques. On enquête. Et c'est le fiasco. Einstein n'a jamais eu de fils prénommé Albert. Et ses deux enfants sont localisés. Ils ne sont jamais allés en URSS. Le tuyau était crevé. Parfaitement. Autre renseignement. Le père de Fuchs aurait déclaré que son fils avait été engagé à Los Alamos sur la recommandation d'Einstein. Deuxième bide. Fuchs, père, interrogé par un journaliste du Washington Post, dément l'information. Oui. Une nouvelle fois. Mais quand même, dites-moi, si un journaliste va voir le père de Fuchs, c'est donc que l'information a quand même filtré, là. Alors, ça veut dire qu'Einstein finira par être au courant qu'on enquête sur lui. Ben, il s'en moque. Malgré la distraction attribuée traditionnellement au savant, il s'est bien aperçu des mesures de surveillance dont il fait l'objet. Il sait, par exemple, que son téléphone est sur écoute. Cependant, comme il n'a rien à cacher, il s'en amuse. Et toutefois, ce n'est pas fini. Après le père de Fuchs, c'est au tour de la sœur de l'espion. Parce qu'elle aussi soutient que son frère a bénéficié d'une recommandation d'Einstein. Oui, oui. Malheureusement, on s'aperçoit bientôt que cette femme est atteinte de démence précoce. Ah, elle a tout inventé. En effet. Ouais. Et Fuchs lui-même, là. Il niera farouchement tout contact avec Einstein. Aussi, le FBI doit changer de cheval. Adieu, la piste Fuchs. Autre chose ? Uwe ne s'avoue pas vaincu. Einstein est un communiste, il en est certain. L'agent qui travaille sur le dossier a recensé des associations qui ont reçu le soutien du savant. Et il y en a 70. Ça va du Comité pour la liberté en Espagne au Congrès d'amitié américano-soviétique. Autant d'associations subversives pour le FBI. Il y a aussi le fait qu'avant-guerre, Einstein a fait partie du Comité international d'aide aux victimes du fascisme hitlérien. Et qu'a-t-il là à redire ? Ce mouvement a été créé par un homme du Comintern, brillant propagandiste nommé Willy Mulzenberg, qui avait eu le talent de réunir de prestigieux intellectuels, souvent non communistes. Oui, je me souviens, vous avez évoqué ce personnage. Qui a été liquidé par les sbires de Staline. Mais Uwe n'en a cure. Cette appartenance à ce comité, c'est une nouvelle indication de l'implication communiste d'Einstein. Mais en fait, on n'en a pas encore parlé. Que pensait réellement Einstein du communisme et de l'URSS ? Il était, je vous l'ai dit, sincèrement socialiste. Mais communiste à la Staline, non, absolument pas. Il a d'ailleurs vivement critiqué l'antisémitisme du petit père des peuples, en particulier au moment de l'affaire des blouses blanches. Oui, les médecins juifs, là. Oui, qui n'ont été sauvés que par la mort de Staline. Alors, non, Einstein n'avait aucune sympathie pour le régime totalitaire en place à Moscou. Mais je reprends. Ayant échoué avec Fuchs, Uwe essaie par tous les moyens de prouver que le savant est un sous-marin communiste. Et là encore, il va exploiter des pistes fumeuses. Quoi exactement ? Il entend démontrer qu'avant même son arrivée aux États-Unis, Einstein était lié au Parti communiste allemand et même au service soviétique. Ayant menti sur son passé à son entrée en Amérique, il serait naturellement aisé de l'expulser. Et pour ça, il faut enquêter en Allemagne, oui ? Et le FBI demande au service de renseignement de l'armée américaine, le G2, d'exploiter les sources qu'il a découvertes. Ouais. Parce que l'armée américaine est présente en Allemagne de l'Ouest. Oui, les troupes d'occupation. Oui. Mmh. Les militaires états-uniens ne sont pas très enthousiastes, mais sont bien obligés de s'incliner devant le tout-puissant patron du FBI. Et qu'est-ce que ça donne, Selon une première piste, le domicile berlinois du savant aurait servi de boîte à lettres pour les espions soviétiques. L'homme qui a donné cette information est un ancien communiste qui aurait ensuite rallié les services de sécurité du Troisième Reich. Un communiste devenu nazi, donc. Et un homme qui refuse obstinément de témoigner. Bon, rapidement, on s'aperçoit que ces accusations sont complètement rocambolesques. Mais le FBI s'intéresse ensuite à deux autres faux témoins. Un mythomane, puis un ancien communternien passé à l'Ouest. Et nouvelles accusations contre Einstein ? Oui, et tout aussi peu sérieuses que les précédentes. Alors, finalement, le macartisme déclinant, le FBI va refermer le dossier Einstein. Ouais, ça, c'est un échec pour Uwe. Incontestablement, car il n'a rien négligé pour essayer d'expulser sa bête noire. Et Einstein, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, en 1955, continuera à répondre favorablement à tous ceux qui solliciteront son aide, dès lors que leur cause lui paraîtra juste. Toutefois, aux États-Unis, dans les rangs conservateurs et à l'extrême droite, bien sûr, nombreux demeureront persuadés que l'inventeur de la relativité était un communiste déguisé. Et curieusement, l'affaire rebondira en 1998. À quelle occasion ? Cette année-là, la célèbre salle des ventes Sotheby's propose 9 lettres d'amour écrites par Einstein à l'une de ses maîtresses, une citoyenne soviétique, Margareta Konenkova. L'une de ses maîtresses, dites-vous, parce qu'il y en a eu beaucoup ? Le savant appréciait beaucoup le beau sexe, c'est tout ce que je peux dire, même si on l'a accusé d'être misogyne. Ah oui, des maîtresses donc. Alors cette soviétique ? C'était l'épouse d'un sculpteur qui avait réalisé un buste en bronze du savant avant-guerre. Einstein l'a retrouvée ensuite des années plus tard et mise dans son lit. Or, selon un célèbre espion soviétique, Pavel Soudoplatov, Margarita, aurait été lié au KGB. Elle aurait même été chargée d'influencer les scientifiques réunis à Princeton. Dont Einstein. Oui. Alors, ça vous paraît sérieux, ça ? Non, et ma conviction est forgée sur des recherches d'historiens qui, preuve à l'appui, ont mis en doute la crédibilité de ce Soudoplatov. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Un dernier mot. Parmi tous les engagements politiques d'Albert Einstein, M. Hick n'a pas parlé de son soutien au sionisme. Un soutien sincère mais mesuré. Le savant s'il a applaudi à la création de l'État hébreu, a aussi mis en garde ses dirigeants contre le nationalisme et la volonté de suprématie. Et quand on lui a proposé en 1952 la présidence d'Israël, il a refusé. Un peu plus tard, il en a donné la raison à sa belle-fille. « Si je devais devenir président, il me faudrait à un moment donné dire aux Israéliens des choses qu'ils ne souhaitent pas entendre. » Enfin, je vous rappelle la publication récente du livre de Fred Jérôme, « Einstein, un traître pour le FBI » aux éditions Frisson Roche, et aussi d'un curieux roman de Marc Duguin, « La malédiction d'Edgar », dont le principal personnage n'est autre que le redoutable Edgar Hoover, et c'est aussi passionnant qu'un polar. Bonne année à vous tous, auditeurs fidèles de Rendez-vous avec X, et à la semaine prochaine pour un nouvel entretien consacré au Pakistan qui joue décidément un curieux double jeu avec les talibans.